saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison de changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre au mot. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. So I've been needing you. Merci d'être avec nous dans les Sport News. Si vous voulez nous communiquer vos résultats, allez, je vous file le tel 03 21 38 17 17. Il est 10h. Bon week-end à tous. Merci d'être avec nous dans les Sport News. Jusque 12h naturellement, avec encore une fois de nombreux invités. Les Sport News. Toute l'actu sportive sur Énergie. Et c'est parti, voici les Sport News. Sport News. Et on commence par le football. Et en Ligue 1, et bien défaite de Lille à Guingamp, 1-0. En CFA, et bien lourde défaite de Calais à Saint-Gantien, 1-8. Et en CFA 2, et bien défaite de Marc à Amiens FC, 1-0. Le score est resté vierge pour Grande Sainte qui recevait Beauvais, 0-0. Et puis victoire de Boulogne-B à Paris FC, 0-2. Deuxième victoire de la réserve d'Alexis Loreille. But de Bonenfant et de Essombé. Donc, pour cette belle victoire. Toujours en football et en division honneur, eh bien, hier, Hazebrouck a reçu Biache, défaite de Hazebrouck 1-2. Le Touquet reçoit Saint-Amand. Le Touquet est sur le podium. Julien Bréfort, le gardien du Touquet, eh bien, nous donne son pronostic pour le championnat de cette année, championnat de DH. Moi, je mise depuis le départ, je mise beaucoup sur Saint-Amand. Je pense qu'il a conservé son effet, une majorité de l'effectif de la saison dernière, qui a bien recruté, qui a un très bon entraîneur. Et je pense que Saint-Amand sera un candidat très sérieux pour les premières places. Ensuite, la réserve de Valenciennes a affiché la couleur, puisque dès le début de saison, ils ont annoncé que l'objectif pour eux, c'était de retrouver le CFA 2. Donc, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner dans 2 ou 3 mois, où est-ce qu'ils seront. Mais pour moi, ouais, ce sera vraiment deux des grosses équipes du championnat. Voilà donc le Touquet Saint-Amand, c'est à 15h. Le Stade Portelois a obtenu son tour suivant de la Coupe de France et va recevoir Saint-Omer, ce sera tout à l'heure. Et à 11h30, eh bien, nous serons en direct avec Mathieu Lemaire. Le Stade Portelois est bien remonté à la 8e place après 2 victoires, et la 2e victoire consécutive bien sûr, et la dernière face à Biache. Saint-Omer qui a signé cette semaine eh bien, une bonne recrue, Antoine Delaby, qui arrive de Dunkerque. Bien sûr, il remplacera quelques blessés. Et notre invité dans les Sport News. Mais déjà, c'est au niveau sportif où Saint-Omer dispose de très bonnes infrastructures. Et après, la qualité des joueurs, c'est un des meilleurs clubs de DH pour moi. Donc voilà pourquoi ce choix. Tu es arrivé avec des ambitions à Saint-Omer, des ambitions personnelles? Oui, bah, c'est d'essayer un peu de rebondir ici. Et pourquoi pas après, voir plus haut. Dunkerque, tu voulais arriver à Saint-Omer, tu voulais faire autre chose, voir autre chose? Oui, bah, c'est surtout je voulais travailler quoi, à côté. Enfin, à Dunkerque, je faisais que du foot. Enfin, je me lassais un peu. Quoi. Du coup, je voulais un peu travailler à côté. Du coup, bah, je suis venu ici aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu reviens aux sources parce que tu as fait tes débuts à Tintingham? Oui, c'est ça. J'ai commencé à Tintingham. Après, je suis parti à Saint-Omer. Je suis parti à Rennes. Et après, je suis reparti à Dunkerque et je suis revenu à Saint-Omer. Là. Voilà Antoine Delaby hein, qui sera sur le terrain du stade Portelois. Et pour l'entraîneur Christophe Merseman, eh bien, le plus difficile, ce sera de faire la parenthèse de la Coupe. Bah, c'est ça qui va être le plus difficile, c'est de se replonger dans le championnat. On sait qu'à cette période-ci, les matchs de coupe et les matchs de championnat se chevauchent. Donc il faut savoir passer dans un état d'esprit où il faut à tout prix gagner le match pour se qualifier à un autre contexte où il faut prendre des points. Donc aujourd'hui, ça va être un match particulier parce que je dénombre beaucoup d'absents pour blessures ou suspensions. Et il va falloir composer avec des joueurs ou une équipe sans doute inédite, mais les garçons sont prêts, on a bien travaillé pour ça et on va aller là-bas pour prendre des points. Voilà une belle rencontre, hein, je vous le disais, le Portel Saint-Omer, ce sera à 15h, Malo se déplace à Seclin, voilà pour l'ADH, en DHR, eh bien l'Inde se déplace à Marc, Air-Solalis reçoit Gravelines, en PH, Outreau reçoit Grande-Sainte-Longnes, ce sera face à Bruay, Tintinguem reçoit Calébé, Arnec ira à Béthune, Esquelbec eh bien, reçoit Ascq et Saint-Paul-sur-Ternoise reçoit Douai. En deuxième division féminine, eh bien, les féminines de l'USBC au Saint-Léonard, en zone rouge, accueillent le LOSC, leader et invaincu, avec 4 victoires et 1 nul. Et à 10h30, eh bien, nous serons avec les deux entraîneurs des filles d'Elfo. Ils seront nos invités dans un instant. On parle basket maintenant avec pas de feu d'artifice, hein, je vous le disais, pour l'élite de la région. En Pro A, eh bien, le BCM s'est incliné hier devant Pau Orthez, 65-78. Malgré une bonne première période, il a manqué de l'adresse. Richard Solomon n'a pas réussi, eh bien, avec sa bonne prestation, à sauver cette victoire. Florian Pietrus, eh bien, revient sur la défaite du BCM. Florian Pietrus au micro de Quentin. Moi personnellement, j'ai senti une équipe qui se cherche. Voilà, maintenant ce sera à nous de, comme j'ai dit, de se réfugier dans le travail quotidien. Il n'y a que comme ça qu'on pourra progresser. Et voilà, je sens qu'il y a une très belle équipe, des gars qui ont envie de travailler. Maintenant, comme j'ai dit, ça va être un long chemin, ça va être une longue saison, mais on va se réfugier dans le travail quotidien et progresser pour le prochain match. Ouais, mais je pense que cette équipe, elle manque de vécu ensemble. Hein. Les débuts de match, on a fait un très bon début de match. Après, on s'est un peu essoufflé en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense qu'il n'y a que les entraînements, que les matchs qui nous feront progresser par rapport à cet aspect de jeu. Et voilà, moi je suis vraiment confiant par rapport à cette équipe. Mais encore une fois, il manque vraiment de vécu. On le sent vraiment de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Mais les gars, c'est des bosseurs. Hein. Donc il n'y a pas de secret. On va encore une fois se réfugier dans le travail et vraiment espérer des jours meilleurs. On a la qualité pour. Maintenant, il faut juste continuer à travailler dans la sérénité, même si c'est pas évident après un match perdu. Mais la saison reste quand même très longue. Voilà, résultat donc 65-78, défaite du BCM. Le SSM, eh bien, s'est incliné à Strasbourg sur le score de 75-71. Difficile le championnat de Pro A, mais une équipe en progression d'après l'entraîneur Éric Gérard. Encore un tout petit effort. En Pro B, eh bien, défaite de l'SOMB pour la première rencontre du championnat face à Aix. C'était hier soir, 63-71. Les Boulonnais, eh bien, ont réussi leur premier carton, mais la suite, eh bien, fut plus difficile. Un manque de collectif. La victoire, bien sûr, au meilleur, Germain Castano. Je pense que celui qui le méritait l'a emporté, hein, soir. Excepté notre premier quart-temps où c'est vraiment le style de jeu qu'on doit avoir, nous. Qu'on doit avoir. Après, on a fait une bouillie de basket. Alors, il faut rendre à l'adversaire ce qui lui appartient, vraisemblablement à cause et de leur côté grâce à ce qu'ils ont fait défensivement. Mais collectivement, tu peux pas jouer au basket comme ça. Bon, on va parler un peu de chiffres, on shoot à 32%, 50% dans ses francs, on fait 6 passes décisives. Et dans l'état d'esprit, on n'est pas assez vaillant. On n'est pas. Voilà. Donc tu gagnes pas. Tu gagnes. Tu gagnes pas chez toi. Voilà, donc la logique elle a été respectée. Sur le premier carton, c'est le seul carton où on met 21 points. On est dans ce qu'on veut faire. On veut accélérer un petit peu. On veut jouer en première intention. Sinon on travaille un petit peu. Mais après, et Dieu nous a arrêté de courir, parfois à cause de l'adversaire, mais parfois parce qu'on a oublié. Et collectivement. Oh mon Dieu, collectivement. Voilà, je suis très heureux d'avoir retrouvé notre Germain Castano avec bien sûr ses propos à suivre, bien sûr, dans l'espoir nous toute la saison. Et puis pour Kadri, eh bien, il y avait bien sûr de la déception. Les 10 premières minutes, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, évidemment. Et puis on a baissé le rythme, on ne courait pas assez. On n'arrivait pas à jouer nos systèmes, on ne respectait pas nos systèmes. On s'ennuyait un peu et on n'arrivait pas à faire nos systèmes. On donnait la balle à quelqu'un, on attendait que la personne joue. Et on avait beaucoup de mal sur ça et c'est ça qui nous a vraiment fait mal. On a cherché à se réveiller, mais les adversaires ont su jouer, ont su nous garder dans le même rythme. On n'a pas pu sortir de cette mauvaise phase. Eux, ils ont fait un bon match, ils ont bien partagé leurs balles.

Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Et entre nous, une bonne côte de porc, y a rien de meilleur. Ah oui, Michel, sauf qu'on a encore mieux chez Carrefour Market. Ah, vous m'intéressez, là. Jusqu'au 16 octobre, pour deux plateaux de côte de porc origine France achetée, le moins cher des deux est gratuit. Avec un peu d'herbe de Provence, je vous dis que ça. Ok, je les prends, les côtes de porc. Oh, et vous avec pour me les préparer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Porc côte avec os à griller, le plateau de 8 pièces minimum, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Énergie, ma radio, ma ville, à Saint-Omer, 102.3. Appartement neuf, recherche locataire pour relations durables. Immorégion.fr. Maison à rénover, recherche propriétaire attentionné. Immorégion.fr. Immorégion.fr, le site d'annonces immobilières du Nord-Pas-de-Calais. Pour acheter, louer ou vendre, rendez-vous sur immorégion.fr ou sur l'application mobile Immorégion. Rejoignez Énergie sur Instagram. Instagram. Énergie, la radio numéro 1 sur les réseaux sociaux. Auto-Expo Hasbrook, votre distributeur et réparateur agréé exclusif pour la marque Skoda. Venez découvrir et essayer toute la gamme Skoda, de la Citigo à la Superbe, ainsi que les services de la concession Auto-Expo sur plus de 8000 m². Auto-Expo Hasbrook, avenue de Saint-Omer. Faites confiance à un professionnel, présent depuis plus de 50 ans. Et découvrez aussi notre site auto-expo.fr. La foire commerciale revient à Arc. Plus de 60 exposants. Automobile, gastronomie, décoration, habitat, mode, service à la personne, il y en aura pour tous les goûts. Mais Arc Expo, ce n'est pas seulement de bonnes affaires. C'est aussi deux jours d'animation et de tombola gratuite avec 2000 euros de lots offerts par le groupement des commerçants et artisans arcois. Alors rendez-vous à Arc Expo les 22 et 23 octobre à la salle du COSEC, rue Aristide Briand de 10h à 19h. Restauration sur place, entrée gratuite. Info sur ville-arc.fr. Welcome the weekend. Energy. Number one hit music station. I love you. Hit music only. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry. She told me don't worry. Sport sur Énergie. Avec JF. Et dans un instant, on retrouve Eric Capard, qui est l'entraîneur des filles d'Elfo. Il est notre invité. Et puis, l'entraîneur adjoint sera avec nous, Loïc Sexo, dans un instant. Merci d'écouter les Sport News. Ça poursuit jusque carrément 12h. Vous êtes gâtés, hein? Voici Coldplay sur Énergie. Merci d'être avec nous pour les Sport News jusque 12h. L'actu sportive et réaction à chaud dans les Sport News. Attention, ça tourne. Merci d'être avec nous dans les Sport News. 10h passées de 30 minutes. On va parler foot féminin avec une partie de l'équipe de l'ESH qui est avec nous. Et c'est bien sûr le foot féminin Delfau. Eric Capar est avec nous. Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'entraîneur des filles. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette équipe de filles? Oui, bon, l'équipe a été créée en 2014. On a démarré avec l'équipe A7, l'initiative de mes filles qui aiment bien jouer au foot. Donc j'ai dit pourquoi pas, c'était parti pour un challenge pour moi, ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Donc pari lancé et ça marche? Ça fonctionne très bien. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution aussi bien en effectif qu'en résultat pour l'équipe des filles? Oui, tout à fait. Après au niveau de l'effectif, on est arrivé avec 34 filles à l'heure actuelle. D'où la création d'une deuxième équipe à 8, en espérant que ça perdure sur le temps. Apparemment, c'est bien parti. J'espère bien, oui. Ça marche du côté des filles, également du côté des garçons, Delfau? Oui, oui, tout à fait, oui. Tout baigne, alors, oui. Sur les hauteurs d'Elfo. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'historique de cette équipe? Comment on a eu l'idée de former cette équipe féminine? C'est un peu à la mode, hein, toutes les équipes, maintenant, veulent une équipe de filles. Bon, au départ, l'idée n'est pas venue de moi, bien sûr. Je n'étais pas prévu pour être coach. C'était à l'initiative de mes deux filles, qui aiment bien le foot. Et ils m'ont demandé pourquoi tu créerais pas une équipe féminine. Qu'après réflexion, c'était un challenge pour moi. Et j'en suis à l'heure actuelle bien content. Alors deux équipes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes du côté filles, du côté football? Apparemment l'équipe féminine, bonne entente. Donc ça a eu avec les réseaux sociaux pas mal d'ampleur. D'où l'effectif qui a grandi et la création d'une deuxième équipe. Alors ce week-end, vous allez jouer, il y a deux équipes. Donc deux matchs, un premier en déplacement pour l'équipe B. Le second, vous recevez Boulogne B. Une équipe B de Boulogne, une très bonne équipe, donc c'était un challenge pour nous. Le principal, ce serait de gagner une équipe que nous avons perdue en Coupe de Ligue sur pénalty. Donc à l'issue du match 0-0, pénalty 5-4. Donc j'aimerais bien gagner ce match-là. C'est un peu une revanche alors? Tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence face à l'équipe de Boulogne tout à l'heure? Les finitions, on a été un peu brouillons à l'attaque. On a eu pas mal d'occasions qui n'ont pas été au fond. Donc en espérant que ce soit l'inverse. S'il fallait définir votre équipe première et l'équipe B également, l'équipe de filles, il fallait la définir. C'est une équipe de copines. Pour moi, il n'y a pas d'équipe première, d'équipe B. On fait tourner l'effectif et dans la mesure où il y a une bonne entente, il n'y a aucun souci. Alors ce matin dans l'émission, on va parler également foot féminin. Votre adjoint, c'est Loïc Sexo qui est avec nous. Allez, on peut le présenter. Il était déjà le début avec vous? Non, il est arrivé cette année, donc c'est une de mes joueuses qui joue actuellement en équipe première aussi. Donc je lui ai demandé si son copain serait intéressé de m'accompagner en tant que coach, hein, qui lui connaît très bien le football, il joue actuellement à Tattenham. Pari a été lancé, il m'a dit oui tout de suite. C'est formidable, ça marche. Oui. Merci à vous. Dans un instant, eh bien, on va retrouver le coach adjoint, c'est Loïc Sexo, notre invité, on parle foot féminin, avec aujourd'hui l'équipe de l'ESH, merci d'écouter les Sport News. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Bon week-end, merci d'être avec nous. I used to believe we were

like an endless dream. You'll take me in to a place that I've never been. Now I'm giving in to your touch. I will never get enough. We're diving deep into the ocean. Sport News Énergie, notre invité du week-end. 10h passées de 50 minutes, merci d'être avec nous dans les Sport News. Dans un instant, bien sûr, retour à la musique. On est ensemble jusque 12h et on va parler foot féminin avec Loïc Sexo qui est avec nous, l'entraîneur adjoint des filles d'Elfaux. Loïc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News, l'entraîneur adjoint. Alors, tu joues à Tintingame et tu entraînes les filles d'Elfaux. Deux clubs, facile à... C'est un peu compliqué pour les entraînements, on va dire. Je suis à Tintingame depuis 4 ans, j'ai entraînement mardi, vendredi. Et les entraînements des filles, c'est très compliqué, ça dépend des postes de l'un et de l'autre. Voilà, donc arriver de Tintingame pour Elfaux, est-ce que c'est facile de faire les deux? Jouer et entraîner? Oui, c'est assez facile, on va dire. Il y a plusieurs joueuses qui arrivent de clubs différents, puisque des clubs se créent, se dissout. Il y a beaucoup de filles qui arrivent d'autres clubs, d'anciens clubs. Il y a beaucoup de filles cette année qui sont arrivées. Il y a des filles de Coyec, de Limbre, d'Hazebrouck. Il y a une fille de Calais aussi qui nous a rejoint. Donc c'est bien pour l'entraînement des filles qui veulent se perfectionner. Alors comment se déroule justement l'entraînement de filles? Est-ce que c'est plus facile de gérer les filles ou les garçons? On va dire que c'est plus facile à gérer les garçons. Pas de problème. C'est plus facile à gérer les garçons. Les filles, on se... Turbulentes. Un peu dissipées par moment. Je le savais. Ouais. Quelles sont les ambitions de tes deux équipes A, équipe B? L'équipe B, c'est une équipe à 8. L'objectif, c'est, on va dire, de finir dans les deux premières. Pour dire d'être vraiment bien. Et l'équipe première, l'objectif serait de finir vraiment dans les trois premières. Alors, si on devait présenter ton équipe, est-ce que c'est... comment on pourrait la définir? Comme Eric disait tout à l'heure, c'est vraiment une équipe de copines qui voulait organiser leur équipe elle-même et les filles sont arrivées après et il y a vraiment une bonne ambiance au niveau des filles. Alors je pense qu'il y a des ambitions, des objectifs, est-ce qu'on peut les donner également pour les deux équipes? Comme je vous ai dit, pour la première, on va dire les trois premières places et pour l'équipe B, si on peut finir champion, ce serait vraiment bien. Alors Loïc, pour terminer, les prochains matchs? Alors le prochain match de la B, ce sera dans 2 semaines. Dans 15 jours? Oui, d'ici là, on va jouer contre 800 avec l'équipe B. Et l'équipe première, on va avoir vraiment un bon test en allant défier la baie de Calais. Le rendez-vous est pris, on attend bien sûr tous les supporters, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, c'est ça. Merci à toi, on rappelle l'objectif, le podium. Allez, le podium carrément. Ouais, le podium pour la première et le titre de champion pour la B, on va dire. C'est noté, j'ai noté, on vous retrouvera naturellement à la fin du championnat. Merci d'avoir été nos invités ce matin. Et puis bien sûr, dans un instant, retour à la musique. Résultat des sports dans un instant, dans la deuxième partie des Sport News. Tout de suite, retour à la musique. Les Sport News, chaque week-end sur Énergie. Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Welcome, Askip TV, FM, comme vous voulez. 1, 2, 1, 2. Askip, le rap est démodé. On est loin de l'époque de M.O.B. Askip, le black est surcoté. Sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askip, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Askip, je suis revenu pour tout rafler. Dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La miss elle fait des manières. Et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Et moi je suis complètement higher, higher, higher, higher. Aski, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Aski, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Mais commencez, je vous emmerde

in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Sur Énergie, merci d'être avec nous. Dans un instant, retour à la musique. Il est 11h. Les Sport News, toute l'actu sportive sur Énergie. Et voici les Sport News. Sport News. Seconde partie de l'émission et on commence par les résultats en Ligue 1. Et bien défaite de Lille à Guingamp, 1-0 en CFA, lourde défaite de Calais à Saint-Gratien, 1-8 en CFA 2, défaite de Marc à Amiens FC, donc 1-0. Le score est resté vierge pour Grande-Synthe qui recevait Beauvais 0-0. Victoire de Boulogne-Bay à Paris FC 0-2. Deuxième victoire de la réserve d'Alexis Loreille. But de Bonenfant et de Essombé donc pour cette rencontre. Toujours en football et en DH, eh bien, hier Hasbrouck a reçu Biache, défaite du club nordiste d'Hasbrouck, donc 1-2. Le Touquet reçoit Saint-Amand. Le Touquet est sur le podium pour Julien Bréfort, le gardien du Touquet. Eh bien, il nous donne ses pronostics pour le championnat. Moi, je mise depuis le départ, je mise beaucoup sur Saint-Amand. Je pense qu'il a conservé son effet, une majorité de l'effectif de la saison dernière, qui a bien recruté, qui a un très bon entraîneur. Et je pense que Saint-Amand sera un candidat très sérieux pour les premières places. Ensuite, la réserve de Valenciennes a affiché la couleur puisque dès le début de saison, ils ont annoncé que l'objectif pour eux, c'était de retrouver le CFA 2. Donc, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner dans deux ou trois mois, où est-ce qu'ils seront. Mais pour moi, ouais, ce sera vraiment deux des grosses équipes du championnat. Voilà, donc à suivre naturellement ce championnat assez passionnant hein, cette année. Le Touquet donc reçoit Saint-Amand à 15h. Le Stade Portellois eh bien, a obtenu le tour suivant de la Coupe et reçoit Saint-Omer. Ce sera tout à l'heure bien sûr à 15h. Et tout à l'heure, eh bien, nous recevrons en direct Mathieu Lemaire. Le Stade Portellois eh bien, est remonté à la 8e place après la deuxième victoire face à Biache. Le Portel va mieux pour Mathieu Lemaire du Stade Portellois. On emmagasine un peu plus de confiance, on reste sur deux victoires, c'est tout ce que je peux te dire. Après, le match d'un week-end n'est pas le cas d'un autre dimanche. Hein. Dimanche, on a très très bien commencé le match, ce qui nous a permis de gérer la deuxième mi-temps, même si on s'est un peu mis le feu aux fesses en encaissant deux buts dans le premier quart d'heure de deuxième mi-temps. Mais bon, les occasions qu'on a eues en première, on les avait pas mises, par exemple, contre Valenciennes. Donc, tu sais, un match... c'est jamais le même dimanche. C'est vrai. Voilà, on peut pas savoir. En tout cas, c'est vrai que au niveau confiance, voilà, il y a quatre joueurs différents qui ont marqué ce week-end. Plus, c'est pas les mêmes buteurs que la semaine dernière non plus. Donc, tout le monde commence à prendre conscience que on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait lors des premiers matchs. Ça, c'est sûr. Et Mathieu Lemaire, hein, que nous trouverons donc tout à l'heure à partir de 11h30, il sera avec nous donc par téléphone. Et puis du côté de Saint-Omer, eh bien Christophe Mersman devra composer bien sûr avec son effectif. Bah, c'est le rôle de l'entraîneur aussi, d'être capable de composer la meilleure équipe à l'instant T. Les joueurs s'entendent très bien, le groupe vit très bien, les séances se passent bien. Donc maintenant, j'ai des choix à faire et j'ai des joueurs à disposition. Donc l'équipe qui sera là sera compétitive et les joueurs qui seront mis en place seront là pour aller prendre des points au Portel. Le portail nous disait qu'il n'y avait pas une nouvelle équipe, mais il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce que tu vas profiter de cette occasion du portail ? Le portail, ça reste le portail, surtout à domicile. On sait que ça va être un combat, on sait qu'ils vont tout essayer de miser beaucoup sur leur coup de pied arrêté. On connaît cette équipe du portail, on sait l'état d'esprit qui règne là-bas et on sait que c'est très très difficile d'aller s'imposer là-bas. Maintenant, on va mettre des choses en place pour y arriver. Ouais, ce sera bien sûr tout à l'heure. Et du côté Audemarois, eh bien, nouvelle recrue qui est arrivée cette semaine. C'est Antoine Delaby qui fait son retour. Il a débuté dans la région. Il est parti à Dunkerque et il revient du côté Audemarois. Oui, bah, c'est d'essayer un peu de rebondir ici. Et pourquoi pas après voir plus haut. Enfin, à Dunkerque, je faisais que du foot. Enfin, je me lassais un peu, quoi. Du coup, je voulais un peu travailler à côté. Du coup, bah, je suis venu ici aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu reviens aux sources, que tu as fait tes débuts à Tintingham ? Oui, c'est ça. J'ai commencé à Tintingham. Après, je suis parti à Saint-Omer. Je suis parti à Rennes. Et après, je suis reparti à Dunkerque. Et je suis revenu à Saint-Omer. Là. Alors, je pense que tu as suivi un peu le début du championnat de Saint-Omer. Qu'est-ce que tu en penses de ce début de championnat ? Bah, c'est un très bon début de championnat. Je pense qu'on a 11 points, là. Avec 2 victoires et une défaite. Ouais, c'est un très bon début de championnat. Voilà Antoine Delaby donc qui va jouer son premier match au Portel. Ce sera à 15h en DHR. Et bien Limbre se déplace à Marc. R sur la liste reçoit Gravelines. En deuxième division féminine, les familles demain l'USBC au Saint-Léonard en zone rouge. Et bien accueille le LOSC, leader et invaincu avec 4 victoires et 1 nul. Et puis un futsal. Et bien en futsal, victoire de Saint-Omer Futsal à Montreuil sur mer 10-4. C'était en Coupe nationale. On passe au basket et en pro A. Le BCM s'est incliné hier devant Power 65-78, malgré une bonne première période. Il a manqué de l'adresse, Richard Solomon, et bien n'a pas réussi avec sa bonne prestation hier sur le parquet, et bien à sauver cette victoire. Florian Pietrus, l'international, et bien revient sur les défauts du BCM, bien sûr c'était hier soir. Je pense que tout le monde se cherche, hein. Donc voilà, on voit qu'on shoot beaucoup à l'extérieur, c'est vrai qu'on ne met pas trop la balle à l'intérieur, mais ce sera nous aussi avec Solomon qui arrive, et qui est là depuis une semaine, et moi qui est là depuis 2 jours, à vraiment être un point de fixation à l'intérieur et pour avoir une balance entre les shoots extérieurs et les shoots intérieurs, parce que là on voit vraiment qu'on shoot qu'à l'extérieur et des jours ça va rentrer, des jours comme aujourd'hui où on fait 0 sur 13 à la mi-temps où on cherche des paniers, donc il va falloir beaucoup travailler, mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs pour. Non, je pense vraiment à mon équipe, c'est vraiment ça ma priorité. Après c'est vrai que j'ai pas joué au basket depuis deux mois, je retrouve des sensations petit à petit, mais je sais qu'il va falloir du temps et ça passera par des efforts extra à l'entraînement et pour pouvoir vraiment trouver mon rythme de croisière pendant les matchs. Donc voilà, ce sera comme j'ai dit, à moi de faire l'effort dans les entraînements, de faire plus que les autres parce que j'ai pas eu vraiment de préparation. Donc voilà, après je suis confiant, je suis un joueur d'expérience et je sais vraiment ce qu'il faut faire pour retrouver le haut niveau. Voilà, un reportage signé, bien sûr, Quentin. Je vous rappelle le résultat du BCM, 65-78. Le SSM s'est incliné à Strasbourg sur le score de 75-71. Difficile, hein, le championnat de Pro A, mais bien sûr, une équipe qui est en progression. Encore un petit effort. En Pro B, défaite de l'SOMB pour la première rencontre du championnat face à Aix, 63-71. Les Boulonnais, eh bien, ont réussi leur premier carton, c'était le seul. Mais la suite, eh bien, fut quand même un peu plus difficile. Déception, bien sûr, pour Boulogne, Catherine bien sûr en conférence de presse. Les 10 premières minutes, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, évidemment. Et puis bah, on a baissé le rythme, on ne courait pas assez. On n'arrivait pas à jouer nos systèmes, on ne respectait pas nos systèmes, on s'ennuyait un peu. Et on n'arrivait pas à faire nos systèmes, on donnait la balle à quelqu'un, on attendait que la personne joue. Et on avait beaucoup de mal sur ça et c'est ça qui nous a vraiment fait mal. On a cherché à se réveiller, mais les adversaires ont su jouer, ont su nous garder dans le même rythme. On n'a pas pu sortir de cette mauvaise phase. Ils ont fait un bon match, ils ont bien partagé leurs balles. Et le meilleur à gagner, bien sûr, je vous rappelle, donc défaite de l'SOMB sur le score de 60, je cherche ma feuille, donc défaite de 63-71. Et puis, bien sûr, du côté de l'entraîneur, une rencontre trop personnelle pour Germain Castano. C'est une fois on donne le ballon à Jba, mais on dit vas-y, mets 2 points. Une fois on donne le ballon à Griezmann, il dit grandis, on va prendre des photos pour 2 points, vas-y, et un tel, et un tel, et un tel. Collectivement, tu peux pas gagner un match en faisant 6 passes décisives, voilà, 55 des balles à 86, ça fait chier de commencer comme ça à domicile, quoi, parce qu'on n'a rien proposé. Non, confiance, je pense pas, parce qu'on a assez parlé de l'adversaire cette semaine, et puis on leur a dit, les gars, il faut surtout respecter cet adversaire, parce que regardez, les résultats, ils sont là, mais peut-être un petit peu nerveux, peut-être, je sais pas, peut-être. Mais bon, c'est notre métier. Hein. Et si on veut faire la saison qu'on a envie de faire, logiquement, il faut battre Aix-Maurienne chez toi, à domicile. C'est pas faire un jour à Aix-Maurienne, hein, mais il faut le battre. Mais comme ça, tu battras personne. Et ça n'a pas été fait, naturellement. 63-71. Et puis vendredi, déplacement à Denain. Pas de victoire donc pour l'élite du basket de notre région. En National 3, victoire du BC Ardres, 53-42 face à Boulogne-Bay. Victoire de Gravelines-Grandfort pour le derby face à Grande-Synthe, 71-57. Et défaite de Lonne-Plage, leader du championnat, à Amiens, 84-78. En Prénat, victoire du BCBSO à Saint-Martin-Boulogne, 80-91. Nette victoire de Hasbro qui recevait Douai, 67-49. En excellence région, victoire de l'OSM face à Berck, 79-69. En ring hockey, le Scra était resté et rentré à De Passy avec la victoire. Cette équipe de promu n'a pas résisté à l'élite. Net victoire 0-5, 0-2 à la mi-temps. Handball en National 2, victoire de Hasbrook qui recevait Compiègne, 24-21. En excellence région, le HBLM eh bien, se déplace tout à l'heure chez le leader de BH. Allez, quelques rendez-vous. Pour terminer cette page, avant de retrouver Mathieu Lemaire du Stade Portelois, ce sera à 11h30. Eh bien, dimanche 23 octobre, le Triathlon Club Audemarois organise le 11e Bike and Run sur la plage aux portes, partie en vélo et partie en courant. Le club de la Warokri vous propose une activité spectaculaire, le Fit Tennis, à découvrir pendant les vacances de Toussaint. Et pour la 18e fois, la ville de Boulogne eh bien, organise pendant les vacances de Toussaint le Challenge des Margas. C'est Maxime Beaumont qui sera le parrain. 11h30, on part à Portel hein, pour rejoindre Mathieu Lemaire. Il nous dira tout sur le début de championnat et prêt bien sûr à recevoir l'équipe audemaroise. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Énergie, ma radio, ma ville, à Saint-Omer, 102.3, dans le Ternois, 102.2. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all

les réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News. On va partir au Portel pour rejoindre Mathieu Lemaire, milieu de terrain du Stade Portellois. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. On peut classer ce match important. Vous allez jouer face à l'équipe de Maroise de Saint-Omer. Vous allez les recevoir. Comment tu vas aborder cette rencontre avec le résultat? Naturellement, tu connais le résultat des derniers matchs. Ben, on va l'aborder comme d'habitude. Hein. On va se concentrer à bien travailler cette semaine. On va aussi essayer de travailler sur les consignes que le coach va nous donner par rapport à l'équipe de Saint-Omer qu'il a certainement dû soit avoir des informations. On va travailler comme chaque semaine, un peu selon l'adversaire. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le début du championnat du Stade Portellois? Est-ce que Mathieu est satisfait de cette première partie de championnat? Disons qu'en coupe, on est qualifié, donc on peut être que satisfait. Ensuite, en championnat, c'est un peu mitigé. On est sur deux victoires, deux défaites. On n'a pas été toujours très très bon. Par contre, on a fait des bons résultats à Biache ou lors du premier match à Malo, même si on n'a pas toujours fait des matchs pleins. Mais on part sur un nouveau groupe avec des jeunes joueurs. Faut que la mayonnaise prenne, comme on dit, et faut laisser le temps faire les choses. Et je pense que niveau collectivement, on devrait s'améliorer de semaine en semaine. Enfin, je l'espère. Alors, vous avez perdu le gardien, Julien Bréfort, hein, qui est un ami, qui est désormais au Touquet. On a perdu pas mal de cadres l'année dernière. On était en train de parler de Julien. On a aussi perdu Max Leblon, qui est parti au Touquet avec Julien. On a perdu Kylian Hurtrel, qui était très important dans son rôle au milieu de terrain, qui est retourné à Calais, et aussi Joe Gomez. Qui est parti au Touquet également, donc ça fait beaucoup de bons joueurs et tout doucement, comme je te disais, on était en train de reconstruire. Voilà, chacun doit prendre des responsabilités, chacun doit être à l'aise dans son nouveau rôle, donc voilà, ça, on est reparti de zéro cette année. Alors, est-ce qu'on peut dire que déjà depuis le premier match de championnat par rapport au match de la semaine dernière en coupe, est-ce qu'on peut dire que vous avez vu une progression? Vous progressez? C'est pas une progression parce qu'on n'était pas, on a beaucoup fait d'erreurs individuelles, d'erreurs aussi plutôt collectives. L'état d'esprit y était, mais malheureusement, c'est des grosses erreurs qui nous avaient coûté très cher. Donc il y a une évolution dans le sens où à Biache, on a pris qu'un but, on a plutôt été sérieux, il n'y a pas eu de grosses erreurs, donc on est en train d'apprendre tout doucement. Voilà, on apprend de nos bêtises des premiers matchs parce que on a fait deux cadeaux à Malo la semaine de Valenciennes, sur trois buts, il y a deux grosses erreurs individuelles, donc c'était plutôt le fait de se concentrer sur toute une partie complète et non pas avoir des trous de un quart d'heure, 20 minutes comme on a eu dans certains matchs qui nous ont coûté très très cher, qui ont marqué ce week-end, plus c'est pas les mêmes buteurs que la semaine dernière non plus, donc tout le monde commence à prendre conscience qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait lors des premiers matchs, ça c'est sûr. Mathieu, merci beaucoup. Bon match tout à l'heure dans votre stade, prêt à accueillir Saint-Omer. Merci Mathieu. Ben, merci à vous. Une bonne journée. Au revoir. Pour Mathieu Lemaire, en direct du Stade Portellois, j'écoute Énergie avec JF. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuca. Sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne